Ils entrent dans le jardin du Luxembourg. Mireille montre le Sénat. Ça là-bas, c'est le Sénat. C'est là que les sénateurs se réunissent. J'habite juste en face. Tiens, asseyons-nous ici. Oh là là, j'ai oublié. J'ai donné ma petite soeur à son cours de danse à 11h30. Quelle heure est-il, midi? Et qu'est-ce que maman va dire? Excusez-moi, je me sors. Elle se lève et s'en va. Ça, là-bas, c'est le Sénat. Ça, là-bas... Ça, là-bas, c'est le Sénat. Ça, là-bas, c'est le Sénat. J'habite juste en face. Juste en face. J'habite juste en face. Où Mireille habite-t-elle? Au Sénat? Non, mais juste en face. Oh là là! Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse à 11h30. Oh là là! Oh là là! Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse. Ma petite sœur, ma petite sœur. À son cours de danse, son cours de danse. Je devais amener ma petite sœur. Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse. À 11h30. À 11h30. Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse à 11h30. Pourquoi est-ce que Mireille s'en va? Qu'est-ce qu'elle devait faire à 11h30? Elle devait amener sa petite sœur à son cours de danse. Le soir, Robert est assis à la terrasse d'un café, place Saint-Michel. Qu'est-ce que je peux faire? Un café, s'il vous plaît. L'express? Très bien. Robert commence à écrire une carte postale. Ma chère maman, je suis à la terrasse d'un café, place Saint-Michel. Le soleil se couche. Le ciel est tout rouge derrière le Louvre. Il fait très doux. C'est une belle soirée. Les Parisiennes portent des pulls blancs et des jupes rouges. Elles sont très gentilles. Bon baiser, Robert. Il écrit l'adresse. Signora Angèle Bellarossa de Gomina, 32 Calle de la Revolución, Resistencia, Argentine. Le soir... Robert est assis à la terrasse d'un café. À la terrasse d'un café. Place Saint-Michel. Il commence à écrire. Il commence à écrire. Il commence à écrire une carte postale. Qu'est-ce que Robert écrit à sa mère? Une lettre ou une carte postale? Une carte postale. Où est-il quand il écrit à sa mère? À la terrasse d'un café. Le soleil se couche. Le soleil se couche. Le ciel est tout rouge. Pourquoi le ciel est-il tout rouge? Parce que le soleil se couche. Il fait doux, doux. Très doux. Il fait très doux. Comment est la température? Est-ce qu'il fait très froid? Est-ce qu'il fait très chaud? Non, il fait doux. Les Parisiennes portent des pulls blancs. Et des jupes rouges. Elles sont très gentilles. D'après Robert, quelle est la mode à Paris? Que portent les Parisiennes? Des pulls blancs et des jupes rouges. Comment Robert trouve-t-il les Parisiennes? Très gentilles. Bon baiser, bon baiser. Robert, bon baiser, Robert. Que dit Robert pour terminer sa carte? Bon baiser. Robert appelle le garçon. S'il vous plaît, je vais descendre. Ah non, il faut aller dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Ah bon? C'est combien? 4,50 €. Où y a-t-il un bureau de poste? Vous en avez un là-bas, de l'autre côté du pont, à droite. D'accord. Il se lève et se dirige vers le pont. Il arrive devant le bureau de poste. Malheureusement, il est déjà fermé. Vous avez des timbres? Ah non, il faut aller dans un bureau de poste. Ou un bureau de tabac. Un bureau de tabac. Un bureau de tabac. Il faut aller dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Où peut-on acheter des timbres? Dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Vous en avez un? Là-bas. Vous en avez un là-bas. De l'autre côté. De l'autre côté du pont. Où y a-t-il un bureau de poste? De l'autre côté du pont. Il est fermé. Il est déjà fermé. Pourquoi Robert ne peut-il pas acheter de timbres au bureau de poste? Parce qu'il est déjà fermé.